séminaire de zen, arrête de gratter. En fret, le maxi. Arrête de gratter, une fête ou une garoga. Rien que des crevards par chez nous, un conseil garoga. Arrête de gratter, prends ton vélo, trace ta route. On n'est pas des novices, par toi avant qu'on casse ta roue. Arrête de gratter, ma belle va faire rouler à mi. Sur eux, c'est sur ce son, les vrais s'affrontent la mi. Arrête de gratter, et d'attendre qu'elle tourne la roue. Fais ton bis tout seul et apprends à prendre la roue. Moi j'aime pas les gratteurs au quotidien. Allons galer encore plus ceux qui font style. C'est la haine chiante, galère. Au lieu de regarder les autres, faudrait que tu vives ta vie. Tu nous as tellement gratté qu'on te surnomme le guitariste. Quand les acolytes arrivent, tu parles mal alors en trembles. Tu prends gros tarif vu que c'est signé le son d'en bas. Si les gens t'en parlent, tu ferais mieux de fermer ta bouche. Nous on reste craig, on déteste les sujets tabous. Je dis que j'ai rien sur moi, j'ai même pas un 5X. De là le gars insiste, s'énerver c'est si. Dis-toi bien que la prochaine fois, je suis pas la bonne cible. Quand je pars devant la gare avec mes 1,56€, c'est incontible. Le temps qui passe à dépouiller les autres. Évidemment qu'un jour il fera broyer les os. Je vois parler les autres, écoutez mes mots. Viens pas hanter mes mômes quand je serai enterré mort. Arrête de gratter, une fête ou une garoga. Rien que des crevards par chez nous, un conseil garoga. Arrête de gratter, prends ton vélo, trace ta route. On n'est pas des novices, par toi avant qu'on casse ta roue. Arrête de gratter, ma belle va faire rouler à mi. Sur eux c'est sur ce son, les vrais s'affrontent la mi. Arrête de gratter, et d'attendre qu'elle tourne la roue. Fais ton bis tout seul et apprends à prendre la roue. Pas la peine de venir me parler, en plus de ça on se connaît pas. Lâche l'affaire, viens pas me gratter, j'ai même pas de compte épargne. Généreux qu'avec la famille, insociable avec les autres. Va pas croire que je suis un blindé, sur la peau j'ai que les os. Tu le verras dans mon regard, galérien qui vient de Nîmes. Ville située dans le regard, t'es genre à kiffer le rap compte. Donc je vais te dire que reste un chien. Viens pas fouiner dans mes poches, un billet va ton chien. Tu crois que je vais galérer pour ton compte? Et si le mec la referait, moi je dirais plutôt con. Si t'en avais les valeurs, tu saurais fermer ta bouche. Ta place n'est pas ici, mais entouré de fermer ta bouche. Tu comptes t'en sortir, t'es mal barré, je lâche pas la grappe de zen. Ça te rappelle pas une pure soirée à part la vase. Et vas-y barre-toi ou bats-toi, espèce de deux. Sais-tu pour moi ce que représente une pièce de deux? Arrête de gratter, une feuille ou une garoga. Rien que des crevards par chez nous, un conseil garoga. Arrête de gratter, prends ton vélo, trace ta route. On n'est pas des novices, par toi avant qu'on casse ta roue. Arrête de gratter, ma belle va faire rouler à mi. Sur eux c'est sur ce son, les vrais savent contre la mise. Arrête de gratter, et d'attendre qu'elle tourne la roue. Fais ton bis tout seul et apprends à prendre la route. Viens pas me gratter, surtout si t'es anti-rap. Moi j'suis pas un mec gâté, j'm'en fous de tes enfantillages. Si j'ai toujours ma petite dosette, c'est que j'ai su me démerder. C'est aussi grâce à mes potes, ils savent me dire quand j'ai merdé. Viens pas me gratter, surtout si t'es anti-rap. Moi j'suis pas un mec gâté, j'm'en fous de tes enfantillages. On en a marre, tu nous grattes là, mec tu nous gaves. Arrête de gratter, une feuille ou une garoga. Rien que des crevards par chez nous, un conseil garoga. Arrête de gratter, prends ton vélo, trace ta route. On n'est pas des novices, par toi avant qu'on casse ta roue. Arrête de gratter, ma belle va faire rouler à mi. Sur eux c'est sur ce son, les vrais s'affrontent la mi. Arrête de gratter, et d'attendre qu'elle tourne la roue. Fais ton bis tout seul et apprends à prendre la route. Arrête de gratter, une feuille ou une garoga. Rien que des crevards par chez nous, un conseil garoga. Arrête de gratter, prends ton vélo, casse ta route. On n'est pas des novices, par toi avant qu'on casse ta roue. Arrête de gratter, ma belle va faire rouler à mi. Sur eux c'est sur ce son, les vrais s'affrontent la mi. Arrête de gratter, et d'attendre qu'elle tourne la roue. Fais ton bis tout seul et apprends à prendre la route. Arrête de gratter, une feuille ou une garoga. Rien que des crevards par chez nous, un conseil garoga.